Ne plus laisser distraire des arsenaux. Thank you.

Maintenant, demain, demain sera la fête. C'est là le paradis. Demain, demain s'éternise. Demain, qui est demain, c'est la terre promise. pense. Y a pas d'autre solution. Toujours demain. Demain sera la terre promise. Demain sera le paradis. Ça se joue. On peut pas différer. C'est trop tard. Ici et maintenant. Trouver des complices. Demain, non. Trop tard. Demain, pourquoi demain? Putain. Non. Ici et maintenant. Putain, c'est chaud. Un engagement. Demain. Here and now.

you and me. You félin, un félé. Inexorable, inexorable, inexorable printemps. Yeah. Malgré tout, soyons joyeux. Voyons. Thank you. c'est puissant. Ça aussi, le son, comment? Plus puissant qu'un vaccin contre la connerie. Que tu regardes, ça te renvoie.